Je crois que tu ne me connais pas. Je crois que je ne te connais pas. On se regardait dans les yeux. On se parlait, mais il n'y avait rien. Rien que ces heures qu'on dévorait ensemble. Toutes ces heures où on croyait s'aimer. S'est fait balayer. Tu étais seul avec tes ombres. J'étais seul avec mon amour. Cet amour si grand qu'il débordait sur tes ombres. Et comme je n'ai pas su le tenir, qu'il saccageait tes dépressions au premier coup de vent. Juste le premier, on s'est fait balayer. On n'a rien vécu des choses profondes qui scellent des cœurs ensemble. Quand on sait qu'à la rupture, on est devenu des étrangers. Et c'est douloureux d'imaginer que tout ce qui s'est passé n'est rien du tout qu'au premier coup de vent. Juste le premier, on s'est fait balayer. Je connais pas, je crois que tu ne me connais pas. Tu n'es qu'une conne, je suis qu'un con. Une conne et un con. Ça aurait pu fonctionner, mais c'est sans compter qu'on est trop con pour s'aimer. On s'est fait balayer.